Le porte-parole du département politique du Comité pour la réunification pacifique de la patrie de la République populaire démocratique de Corée a publié le 3 décembre un entretien qui dit notamment « Ces derniers jours, en Corée du Sud, alors que la lutte de masse de divers milieux sud-coréens pour la démission de Bakune s'accroît au fil des jours, les autorités prétendent la crise de la sécurité et livrent frénétiquement les provocations militaires contre nous. Le ministre de la Défense, le chef de l'état-major des armées, ainsi que d'autres gros bonnets militaires, effectue presque tous les jours les tournées dans les unités de la première ligne du front et les troupes de commando pour parler du maintien de la posture de riposte résolue et catégorique contre les menaces de provocation de notre part, lance dans nos espaces maritimes et aériens les navires et drones et livre les exercices de tir d'obus réels d'envergure dans les eaux du poncho de la mer de l'Ouest et empire sans cesse la tension militaire dans les espaces terrestres, maritimes et aériens. En outre, la réunion des principaux commandants de l'armée sud-coréenne qui était prévue en décembre a été convoquée une vingtaine de jours d'avance et le conciliabule pour la provocation militaire a été ouvert dans la réunion des commandants interarmées. Les bellicistes font d'une part courir le bruit que la sécurité est en critique à cause de la possibilité de provocation du Nord profitant de la marche de la politique d'État et que l'essai nucléaire et le lancement de missiles du Nord sont imminents et d'autre part, émane en permanence l'inquiétude d'instabilité au sein de la Corée du Sud. Toutes ces démarches des autorités ne sont qu'un tour pour nous provoquer à tout prix afin de mettre en scène un incident d'un conflit sensationnel entre le Nord et le Sud, d'étouffer sous ce prétexte la lutte de la population exigeant la démission de Bakune et de détourner l'opinion aux problèmes de sécurité en vue de sauver la traîtresse de la crise de ruine. D'ailleurs, chaque fois que les événements avaient dans le passé troublé de fond en comble le pouvoir sud-coréen, tels que le soulèvement populaire d'avril 1960 et le soulèvement populaire de Gwangju en 1980, les dictateurs fascistes avaient toujours recouru au cliché de la sécurité et à la loi martiale que les autorités militaires n'avaient pas manqué d'exécuter. Bakune, fille du dictateur rénové et sa bande qui considèrent la loi martiale comme solution toute puissante, cherchent comme leurs prédécesseurs à trouver l'issue au stratagème de crise de sécurité. Mais bien que ces gens au seuil du gouffre parlent bruyamment de l'insécurité, la ruine pitoyable est inévitable.